permettre de parler dans un lieu prestigieux. Depuis quelques jours, je découvre une ville magnifique avec des trésors culturels. Et je dois aussi remercier le volcan islandais qui me donne l'occasion de poursuivre cette découverte. Alors, venons-en à la question pharaonique. À l'automne dernier, un grand débat sur l'identité nationale a été organisé en France. Un site web spécialisé a été créé. Des centaines de réunions organisées dans toute la France. La population française a donc été incitée à se concentrer pendant des semaines sur la question « qu'est-ce qu'être français ?». A priori, cela pouvait paraître étrange, puisque la France est généralement considérée comme une vieille nation. Mais en fait, les questions traitées à cette occasion étaient plutôt comment devenir français aujourd'hui, comment acquérir la nationalité française, à quelles conditions. Qui donc peut être intégré à la nation française? Le débat était en fait organisé par le ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui a été créé en 2007 après l'élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République. Ce débat a donné lieu à de très nombreuses polémiques et il a suscité beaucoup de critiques, y compris dans la majorité présidentielle. Non seulement parce qu'il a donné lieu à l'expression de propos xénophobes, et sans doute favorisé aux dernières élections le parti d'extrême droite, mais aussi parce qu'il a complètement négligé la question de l'identité européenne. Ce débat a été interrompu assez brutalement en février dernier. La définition de la nation et les processus d'intégration sont aujourd'hui des thèmes systématiquement mis en relation avec l'immigration. Mais au XIXe siècle, il concernait la population française elle-même. Bien sûr, la nation française s'est constituée dans un État antérieurement formé. Et les frontières en Europe de la France contemporaine sont d'ailleurs très similaires à celles du Royaume de France en 1789. Comme Sergio Romano l'a précisé, les principaux changements entre la France de 1789 et la France actuelle concernent Nice et la Savoie, rattachées à la France au moment de l'unité italienne. Mais cette stabilité territoriale ne doit pas masquer l'importance des transformations opérées après 1789 qui ont fait la nation française et les citoyens français. Comme il a été rappelé par Sergio Romano, les processus de formation des nations modernes dans l'Europe du XIXe siècle ont été souvent très similaires entre les nations. Mais il y a eu aussi des différences qui souvent caractérisent encore aujourd'hui ces nations et leur représentation. Concernant la France, on peut dire que la conception de la nation est déterminée par l'organisation particulière de trois niveaux, l'universel, le national et le local. Et c'est ce que je vais essayer de retracer rapidement ici. La France se distingue des autres nations européennes tout d'abord par l'extrême centralisme de l'État. Les régions françaises existent et nous avons élu au mois de mars leurs nouveaux dirigeants. Mais les pouvoirs des régions françaises sont très faibles en comparaison de ceux des régions allemandes, italiennes, espagnoles, etc. Le taux très élevé de l'abstention aux dernières élections régionales a été expliqué par une méconnaissance générale de la fonction des pouvoirs régionaux et aussi une hostilité à Nicolas Sarkozy. les identités locales semblent sans grand intérêt. Et d'ailleurs, elles ont été à peine évoquées lors du débat sur l'identité nationale. Plus exactement, les identités régionales, les identités locales, sont régulièrement dénoncées comme des menaces pour la nation. La nation française est souvent dite jacobine à cause de ce double aspect, État centralisateur et puissant, uniformité administrative et culturelle du territoire. Alors, le centralisme est une dynamique de très longue durée en France. Il était déjà important dans la France d'ancien régime. Mais on ne peut pas en dire autant de l'uniformisation du territoire. À la veille de la Révolution française, le royaume de France était très hétérogène. Autour de l'ancien domaine royal, de nombreux territoires avaient été rattachés par alliance matrimoniale ou par conquête. Mais ils gardaient une législation et des institutions particulières. Cette hétérogénéité dans le statut des individus et des communautés était d'ailleurs la situation normale dans les royaumes et les empires d'Ancien Régime. On la retrouvait dans l'empire des Habsbourg, par exemple, comme il a été évoqué. Le français, la langue française, était la langue de l'aristocratie rassemblée à la cour de Versailles. C'était aussi la langue de la bourgeoisie cultivée. Ailleurs, en Europe, les cours et les lettrés utilisaient fréquemment le français, considéré comme une langue universelle de culture pouvant remplacer le latin. Mais beaucoup d'habitants du royaume de France, surtout dans la paysannerie, ne parlaient pas le français et utilisaient des dialectes de diverses langues. On a parlé de la diversité dialectale de l'Italie. Celle de la France était encore beaucoup plus importante, puisqu'il y avait des dialectes de familles linguistiques différentes, le breton, l'anglais, le flamand, des dialectes germaniques à l'est de la France, le corse, dialecte italien, le catalan, le basque, complètement différent, et la différence, languedoc au nord, languedoc au sud. Très grande diversité linguistique, donc. Cela dit, cette situation ne posait pas problème à la monarchie française. Pour une monarchie de droit divin, l'homogénéité religieuse du royaume paraissait beaucoup plus nécessaire que l'homogénéité culturelle ou linguistique de la paysannerie. Tout a changé avec la Révolution. Le processus révolutionnaire était porté par de nouvelles conceptions du monde. Sécularisation, modernisation, rationalité, universalisme. Je rappelle que la France révolutionnaire a promu le système universel des poids et des mesures, celui du mètre et du kilogramme. Et la France révolutionnaire a appliqué l'universalisme aussi au niveau politique. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, proclamée en août 1789, le montre bien. À la suite du récent débat sur l'identité française, cette déclaration doit maintenant être affichée dans chaque classe d'école primaire comme une sorte de table de la loi nationale. Mais cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans aucun de ses articles, ne parle de la France ni des Français. Elle définit des principes universels de politique qui doivent fonder la nation en général, toute nation. Pour les révolutionnaires de 1789, les particularismes étaient des marques de l'ancien régime, contraires aux principes d'égalité et de modernisation. Durant la nuit du 4 août 1789, l'Assemblée constituante a aboli les privilèges des ordres d'Ancien Régime, privilèges de la noblesse, privilèges du clergé, mais Les statuts locaux aussi ont été supprimés. L'égalité des individus et l'égalité des territoires semblaient indissociables. Le territoire du royaume a été redécoupé en unités nouvelles, les départements. Les départements ont été conçus comme des espaces sans mémoire, sans histoire, sans particularité. Leur nom se référait à la géographie physique et ils étaient déclarés égaux dans leur fonctionnement et leur pouvoir. Le département était donc l'incarnation spatiale du citoyen. Le découpage départemental de la Révolution, à peine modifié, est toujours en vigueur en 2010. Et on peut voir ici que les actuelles régions françaises, créées par Charles de Gaulle il y a 50 ans, sont en fait de simples regroupements de départements. Il y a ici homogénéité de couleur des régions. À la fin du XVIIIe siècle, il fallait donc traiter, après ce découpage de l'espace, une grande question. Comment transformer les sujets du Royaume de France en citoyens de la nation française? Le processus a été long, il s'est poursuivi tout au long du XIXe siècle. Mais le contexte révolutionnaire des origines a durablement déterminé ces grandes lignes. La question linguistique illustre de manière exemplaire les difficultés posées par la nationalisation de la population de France. Très vite, les révolutionnaires ont estimé que l'uniformisation de la langue était nécessaire à l'exercice de la citoyenneté. Cette conception n'est pas spécifique à la France. Elle a été au cœur de toutes les constructions nationales au XIXe siècle. Et d'ailleurs, dans toute l'Europe du XIXe siècle, il y a eu de grandes opérations philologiques pour élaborer et pour diffuser les langues nationales modernes. Mais en France, le contexte particulièrement dramatique de la décennie 1790 a radicalisé la situation. En quelques années, il y a eu guerre aux frontières, guerre civile, régime de salut public, période de la terreur, coup d'État, etc. Et cette situation particulièrement dramatique a radicalisé la question linguistique. En janvier 1794, devant la Convention, au nom du comité de salut public, le député Barrère a dénoncé les patois, les dialectes, comme des langues étrangères hostiles à la République. Je cite ici un extrait de ce rapport. Le fédéralisme et la superstition parlent bas breton. L'émigration et la haine de la République parlent allemand. La contre-révolution parle l'italien. Et le fanatisme parle le basque. Brisons ces instruments de dommage. Chez un peuple libre, la langue doit être une et la même pour tous. La diversité linguistique a donc été présentée comme un bastion de la contre-révolution et comme une menace pour l'intégrité nationale. Un rapport sur la situation linguistique du pays avait été demandé à l'abbé Grégoire en 1790. Et ce rapport a été présenté à la Convention en 1794 sous le titre « Rapport sur la nécessité et les moyens d'anéantir les patois et d'universaliser l'usage de la langue française ». Et l'abbé Grégoire écrit « On peut uniformiser le langage d'une grande nation. Cette entreprise, qui ne fut pleinement exécutée chez aucun peuple, est digne du peuple français, qui centralise toutes les branches de l'organisation sociale et qui doit être jaloux de consacrer au plus tôt, dans une république une et indivisible, l'usage unique et invariable de la la langue de la liberté. Alors, l'universalisation sur le territoire français de la langue française a nécessité au moins un siècle. Cette extension de la langue française a été possible par le développement du système d'éducation, par la mobilité géographique et sociale, par le service militaire, par l'expansion de la presse et des romans populaires, très importants pour généraliser la langue française parmi les femmes. Depuis la fin de la Première Guerre mondiale, la connaissance de la langue française est générale en France métropolitaine. Mais l'intolérance à la diversité linguistique reste en France très forte, à cause de cette connotation politique originelle, puis du long conflit entre les républicains et le clergé catholique. Les curés étaient souvent accusés par les anticléricaux de prêcher dans les dialectes locaux pour mieux maintenir les fidèles dans l'obscurantisme. Pourtant, au XIXe siècle, des langues régionales ont été construites en France sur le modèle européen des langues nationales, c'est-à-dire par synthèse et par standardisation du dialecte, par référence à des langues écrites plus ou moins anciennes. Frédéric Mistral et son association du Félibrige ont ainsi glorifié la langue d'oc et ils ont publié un vaste dictionnaire du provençal. La langue bretonne aussi a été illustrée par de nombreux poètes et écrivains. Ces nationalismes culturels n'ont pas engendré de mouvements autonomistes ou sécessionnistes assez puissants pour vraiment mettre en cause l'unité française. Mais l'enseignement des langues régionales à l'école a été durablement et systématiquement interdit. Ici, une affiche qui était à utiliser dans les écoles de Bretagne. Le premier article indique « Il est défendu de parler breton et de cracher par terre ». L'usage des dialectes était associé à des pratiques grossières de paysans qu'il fallait civiliser. Aujourd'hui, un enseignement facultatif et très limité des langues régionales est possible dans le système public d'éducation. Mais la diversité linguistique reste souvent considérée comme une menace pour la France. En 1992, lors d'une révision constitutionnelle préparant le traité de Maastricht, la constitution de la Ve République a été modifiée pour introduire l'indication « Le français est la langue de la République ». Précision donc, en 1992. Les constitutions françaises précédentes n'avaient jamais mentionné de référence linguistique. Cet ajout tardif a permis de déclarer que la charte européenne des langues régionales et minoritaires est incompatible avec la Constitution française et ne peut pas être ratifiée par la France. Et je vous présente ici une affiche d'une association anticléricale, AT, la Libre Pensée, contre la charte européenne des langues régionales et minoritaires, et elle détourne les affiches du mouvement anti-nucléaire. Donc, la charte des langues régionales et minoritaires est assimilée ici à une bombe nucléaire pouvant désintégrer la France. D'autre part, une loi promulguée en 1994 permet de limiter en France l'usage de l'anglais. Seule concession à la diversité linguistique, un amendement constitutionnel voté par l'Assemblée nationale en juillet 2008 indique « Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la nation ». En fait, c'est surtout comme un patrimoine mort ou mourant que les cultures régionales ont été valorisées en France. Selon la perspective révolutionnaire, les cultures locales devaient mourir pour que vive la nation. Mais par leur mort, elles devenaient des reliques, des témoignages d'un prestigieux passé national. En 1805, une société savante, spécialisée dans la recherche des antiquités nationales, a été créée à Paris. Elle fut appelée l'Académie celtique, puisqu'on considérait que les ancêtres de la nation française étaient des Gaulois, des Celtes. Et l'Académie a établi un grand questionnaire sur les langues et les coutumes dans tous les départements de France, avec le projet de reconstituer la langue et les mœurs primitives des ancêtres gaulois. On supposait d'ailleurs à l'époque que le breton, langue celtique, était la langue originelle des ancêtres gaulois. Et voilà pourquoi Astérix le Gaulois habite dans un petit village breton où il affronte les troupes de Jules César. À propos de cette enquête, je voudrais vous signaler une référence intéressante. À l'époque de l'Académie celtique, les armées françaises avaient conquis le nord de l'Italie et des départements français avaient été créés dans le nord de l'Italie. Par conséquent, le questionnaire de l'Académie celtique, cette enquête linguistique et ethnographique, a été appliqué en Italie du Nord et les résultats ont été publiés donc, dans ce livre. Ils ont été publiés en Italie, ils n'ont jamais été publiés en France. L'écriture de l'histoire nationale au XIXe siècle en France précise la conception de la nation comme le résultat d'une dynamique qui abolit le local dans un stade supérieur, le stade national. Dans sa monumentale Histoire de France, l'historien Jules Michelet énonce clairement cette perspective qui va devenir le cadre d'écriture et d'interprétation de l'histoire nationale. Je cite « L'esprit local a disparu chaque jour. L'influence du sol, du climat, de la race, a cédé à l'action sociale et politique. La fatalité des lieux a été vaincue. Dans cette transformation merveilleuse, l'esprit a triomphé de la matière, le général du particulier et l'idée du réel. » Pour Michelet, la supériorité de la France sur les autres nations vient de cet universalisme qui est atteint par la dissolution des différences. Et aujourd'hui encore, cette conception de la France est régulièrement invoquée pour refuser la reconnaissance des cultures régionales et la dénoncer comme une trahison de l'esprit national. L'assimilation de l'universalisme du national est au cœur de nombreux discours politiques et intellectuels en France. La France contemporaine est encore très marquée par cette représentation de l'unité nationale comme nécessaire uniformité et par la perception du local comme régression politique et culturelle. Et cela explique l'échec répété de toutes les tentatives de décentralisation politique et administrative et la méfiance à l'égard de toute autonomie locale. Une autre conséquence, c'est l'incompréhension par beaucoup de Français du fonctionnement de l'Union européenne. Que le modèle de gouvernement européen ignore le centralisme et l'uniformisation. Pourtant, depuis le milieu du XIXe siècle, il existe une autre présentation de la spécificité française. Et cette conception insiste, au contraire, sur la diversité française. Elle caractérise même la France comme une exceptionnelle diversité de climat, de paysage, de production agricole. La France républicaine est bénie, non pas par Dieu, mais par la nature. Le géographe Paul Vidal de la Glache, dans son tableau de géographie de la France, qui introduit au début du XXe siècle une nouvelle grande série d'histoire de la France, souligne fortement cette diversité française. Le mot qui caractérise le mieux la France est variété. La nature de la France déploie une richesse de gamme qu'on ne trouve pas ailleurs. En bref, la France est le résumé de l'Europe. Cette définition de la France figurait dans mes manuels scolaires de géographie et même encore dans ceux de mes enfants. La France est le résumé idéal de l'Europe. Alors, selon cette conception, la France atteint l'universel grâce à l'extraordinaire diversité qui se rassemble dans son unité. Cette idée avait une fonction politique. À la fin du XIXe siècle, elle compensait le relatif déclin de la France face à la montée en puissance d'autres nations, et notamment l'Allemagne. Et puis, la représentation de la France comme extraordinaire diversité est très utile pour valoriser deux secteurs économiques où la France a pris une place majeure, le tourisme et la production agricole de qualité. Nous rivalisons avec sur ces deux points. Depuis le XXe siècle, la gastronomie française s'appuie beaucoup sur la diversité des produits et leur classification en fonction de leur origine. Comme vous le savez, les vins de qualité en France ne sont pas définis par un cépage, mais par un lieu de production strictement et officiellement défini. Exemple, les vins de Bordeaux. Le principe des appellations d'origine contrôlées, créées par le vin, est maintenant étendu à toutes sortes de produits agricoles, fromage, légumes et même, depuis peu, les produits de la mer. La France prépare actuellement un dossier demandant que la gastronomie française soit inscrite au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Et la diversité de la gastronomie française est un argument important dans ce dossier. D'autre part, la France est devenue au XXe siècle la première destination touristique au monde. Et la publicité pour le tourisme a systématiquement mis en valeur la diversité du paysage, du climat, des traditions, des costumes régionaux. La représentation de la France comme unité riche de cette diversité a eu aussi une fonction idéologique dans le cadre de la nationalisation des milieux populaires à la fin du XIXe siècle. Comme Sergio Romano l'a évoqué, il y a eu un énorme travail de nationalisation des paysans et des ouvriers français sous la Troisième République après 1870. Cette Troisième République, proclamée en 1870 après la défaite militaire du Second Empire français face aux troupes allemandes, a commencé par les insurrections de la Commune, violentes et violemment réprimées. Cette République bourgeoise a néanmoins duré 70 ans, jusqu'à une nouvelle défaite devant les armées allemandes. Elle a mis en place un régime parlementaire, des élections au suffrage universel masculin. Elle a autorisé la constitution de partis politiques et de syndicats. Elle a réglementé le travail. Elle a accordé une grande liberté d'expression et de publication, etc. L'œuvre scolaire de la Troisième République a été un élément important du ciment républicain. Les lois Jules Ferry, du nom du ministre de l'Instruction publique, ont instauré un système d'enseignement primaire gratuit et obligatoire pour tous les garçons et les filles jusqu'à l'âge de 12 ans. L'alphabétisation était déjà bien avancée avant, mais elle a été désormais généralisée jusque dans les campagnes et dans les montagnes pauvres. L'école républicaine devait instruire les enfants et leur donner une conscience patriotique. Mais les responsables pédagogiques ont très vite indiqué que la notion de patrie était difficile à comprendre pour les jeunes enfants. Et ils ont proposé de développer la notion de petite patrie, collaboratrice, comme ici. Et la petite patrie, c'est l'espace familier de l'enfant, l'espace local. L'amour de la petite patrie est le meilleur fondement de l'amour de la grande patrie. A été, sous la Troisième République, une phrase fréquente des pédagogues. Même si l'enseignement dans les langues régionales était interdit, les enfants apprenaient qu'ils pouvaient être fiers de leur petite patrie, et ils apprenaient que la France était une mosaïque merveilleuse de petites patries complémentaires. Un très célèbre manuel scolaire de la Troisième République, lu par des millions d'enfants, c'était l'équivalent français de Cours, s'intitulait « Le tour de la France par deux enfants ». et les héros du livre, deux petits orphelins, quittaient l'Alsace, annexée par les Prussiens, à la recherche de leur oncle. En suivant leur voyage, les écoliers français parcouraient la France et découvraient la beauté et la richesse de la diversité française. La création en 1903 du Tour de France cycliste a permis aux adultes, chaque mois de juillet, de refaire ce parcours par la presse, puis par la radio. Je rappelle que le Giro a été créé en 1909. Cette représentation de la France comme une unité composée de diversités géographiques complémentaires offrait une représentation de la France consensuelle, pacifique, enthousiaste. Elle invitait à considérer la diversité sociale et économique des Français de la même manière, une unité pacifique, consensuelle, où chacun, en restant à sa place sociale et géographique, pouvait participer au merveilleux ensemble. Est-ce que la nationalisation de la France et la fabrication des Français au XIXe siècle s'est faite facilement? Non. Si l'on pense qu'elle est passée par trois révolutions, et même quatre, si on compte la commune, par des périodes de grande violence, guerres civiles, des guerres externes dévastatrices. Mais à la différence d'autres pays européens, l'association progressive entre nationalisation, développement économique, modernisation, démocratisation a permis l'intégration des différentes classes sociales et des différentes parties du territoire. La séparation de l'Église et de l'État en 1905 a consacré un processus de sécularisation commencé à la Révolution et elle a délimité durablement les domaines du politique et du religieux. Cependant, il y a une autre caractéristique de la population française qui la distingue fortement des autres pays européens, depuis la Révolution française jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. C'est la très forte baisse du taux de natalité due à la généralisation des pratiques malthusiennes. À l'époque où des millions d'Européens embarquaient sur des bateaux pour les Amériques, par exemple dans le port de Gênes, la France n'était pas un pays d'émigration. C'était un pays d'immigration qui avait besoin d'apports extérieurs pour son industrialisation. Dans les années 1880, la France comptait déjà 1 million d'étrangers pour une population d'environ 40 millions. C'était une immigration politique pour une part, la France, plus démocratique, était un asile pour les victimes de répression dans un pays, mais c'était surtout une immigration de travail. De la fin du 19e siècle jusqu'en 1960, la population étrangère la plus importante en France a été représentée par les Italiens. Sont venus aussi massivement en France des Belges, des Polonais, des Espagnols, des Portugais, des originaires de l'Europe orientale et centrale. La xénophobie s'exerçait contre cette immigration de pauvreté et parfois avec une grande violence. En août 1893, dans les salines d'Aigues-Mortes, dans le sud de la France, eurent lieu des affrontements violents qui ont fait 8 morts et 50 blessés. Les victimes étaient des ouvriers italiens. Les coupables ont été traduits en justice, mais ont été acquittés. Et l'historien français Gérard Moiriel a publié, il y a 2 mois, une grande étude historique sur le massacre des Italiens à Aigues-Mortes en 1893. Le processus d'intégration de la population française et étrangère dès la fin du XIXe siècle a été mené avec beaucoup d'efficacité par l'État républicain. Mais malgré cela, ou peut-être à cause de cela, un puissant courant idéologique, nationaliste, s'est développé à la fin du XIXe siècle. Et selon les représentants de ce courant nationaliste, la France était gravement menacée par des ennemis étrangers, les Allemands surtout, mais aussi par des ennemis infiltrés dans la nation, français d'apparence, mais fondamentalement étrangers et hostiles. Les Juifs, tout particulièrement, ont été les cibles de ce nationalisme. L'affaire Dreyfus, à la fin du XIXe siècle, a cristallisé cet antisémitisme. Dreyfus, officier d'origine juive alsacienne, juif allemand, a été accusé d'espionnage au profit de l'Allemagne. Condamné sur la base de faux documents, il a été envoyé au bagne. Les affrontements politiques pour ou contre la révision du procès ont divisé la France. Émile Zola, célèbre romancier, a publié sous le titre « J'accuse » un article de journal où il dénonçait la machination dont Dreyfus avait été victime. Cela a attiré sur Zola une haine féroce des nationalistes. Et l'écrivain nationaliste Maurice Barrès expliquait l'engagement de Zola par ses origines étrangères. Parce que son père et ses ancêtres sont vénitiens, Émile Zola pense tout naturellement en vénitien des racines. Au XXe siècle, l'immigration est restée forte en France. La Première Guerre mondiale a creusé les déficits de jeunes hommes et la natalité française est restée particulièrement faible jusqu'au baby boom des années 1945. On considère aujourd'hui que un Français sur quatre a au moins un parent d'origine étrangère. Le statut des étrangers, l'accès à la naturalisation ont changé à plusieurs reprises en fonction du contexte économique et politique. Mais pour expliquer les débats actuels sur l'immigration et sur l'identité nationale, il faut rappeler un autre fait historique majeur. Au moment où la France se formait comme nation en Europe, elle établissait sur d'autres continents, par ses armées, un gigantesque empire colonial. Ici, cet empire colonial est présenté comme rayonnant sur tous les continents. Au XIXe siècle, il s'est développé principalement en Afrique et en Indochine, dans une partie de l'Asie. La France développait donc une grande représentation de cet empire colonial. Ici, donc, des images de l'exposition internationale qui a eu lieu, de l'exposition coloniale qui a eu lieu à Paris en 1931. Dans le bâtiment principal de cette exposition coloniale, au bord du Bois de Vincennes à Paris, a été ouvert il y a 2 ans le musée de l'immigration. Ce musée a été ouvert, mais les autorités françaises ont refusé de l'inaugurer en raison de l'immigration d'identité nationale. C'est un cas unique de musée national ouvert sans autorisation. Je reviens à cette question de l'Empire. Les populations colonisées devenaient françaises, mais sans accéder à la citoyenneté qui leur a été refusée jusqu'en 1945. En Algérie, outre les colons français et leurs descendants, seuls les juifs autochtones, depuis la fin du XIXe siècle, puis les étrangers d'origine européenne, pouvaient avoir le statut de citoyen français à part entière. Les autres groupes de population, excepté une toute petite élite locale, étaient sujets de l'Empire français. Et alors que les citoyens français étaient régis par le Code civil créé sous Napoléon Ier, les sujets de l'Empire français étaient soumis au Code de l'indigénat. Inventé pour l'Algérie, le Code de l'indigénat a été étendu ensuite au reste de l'Empire. Cela veut dire que les musulmans de l'Empire n'étaient pas régis par les mêmes lois que les citoyens français. Et au plan civil, ils étaient régis par la loi coranique. Donc dans l'Empire français. Pour le reste, les indigènes étaient exclus de la plupart des droits attachés à la citoyenneté. Leur étaient refusées les libertés de circulation, de travail, de réunion et d'expression, etc. Les troupes coloniales ont participé à la défense de la patrie française au cours des 2 guerres mondiales, mais sans que les anciens soldats indigènes aient le même statut que les autres anciens combattants. Et récemment, le film « Indigène », qui rappelait le rôle de ces troupes coloniales, a connu un très grand succès et il a eu une conséquence politique remarquable. français s'est engagé à payer les pensions des anciens combattants indigènes au même montant que celles des citoyens français. Auparavant, c'était 10%. En fait, les débats sur l'identité nationale et l'immigration dans la France actuelle portent principalement sur les populations issues de l'ancien empire colonial en Afrique. Le pouvoir colonial avait refusé d'intégrer dans la nation française les indigènes de son empire. Aujourd'hui, les descendants de ces anciens sujets de l'Empire, qui vivent en France, sont accusés de refuser l'intégration dans la nation française et de cultiver leur particularisme religieux et culturel. Beaucoup de déclarations contemporaines venant d'hommes politiques, d'intellectuels ou de citoyens ordinaires identifient le modèle français à un universalisme qui exclut toute référence à une culture particulière. Les termes multiculturalisme, communautarisme sont fréquemment utilisés dans un sens très négatif. Ils sont généralement présentés comme caractéristiques d'un modèle anglo-saxon, radicalement étranger à l'identité française. La voie d'intégration exigée des populations immigrées, c'est celle que devait suivre autrefois les cultures régionales des paysans français, c'est-à-dire la dissolution dans une culture nationale nécessairement homogène. Et bref, pour devenir français, il faudrait se dépouiller immédiatement de sa culture d'origine afin, comme le disait Michel, de reproduire le triomphe de l'esprit sur la matière, du général sur le particulier. Et ici, une caricature fait le lien justement entre cette répression des cultures régionales et le multiculturalisme. Donc un personnage qui ressemble à un ancien ministre de l'Éducation nationale déclarant un paysan. On commence par parler le breton et on finit par porter le tchador, la porte. Inversement, le terme qui est utilisé aujourd'hui comme euphémisme politiquement correct et positif pour désigner l'immigration, eh bien, c'est le terme de diversité. Ici, donc, une charte de la diversité destinée aux entreprises et qui les incite à embaucher la diversité. Alors, on voit ici que ce qu'on appelle la diversité en France en 2010, ce sont les femmes et les immigrés de la seconde génération qu'il faut donc intégrer sur le marché du travail et sur le marché de la citoyenneté. Donc, la vieille référence à l'unité dans la diversité se trouve du coup réactivée. Au XIXe siècle, cette référence avait accompagné l'intégration des classes populaires dans la France républicaine. Aujourd'hui, elle sert à désigner un possible chemin d'intégration de l'immigration dans la France républicaine. Depuis la Révolution française, la France et sa population ont considérablement changé. Et l'une des permanences de la France moderne, c'est sa représentation par cette trilogie universalisme, national, diversité et l'organisation très particulière entre ces trois niveaux. Je vous remercie.